journée spéciale sur France Culture, diffusion du forum L'année vue par les savoirs, enregistré samedi dernier à la Sorbonne, avec une question pour débuter cette année. Comment survivre dans un monde qui s'est réchauffé, dans un monde à plus de degrés, après la philo, après l'histoire, après la culture ce midi? C'est au tour des sciences d'essayer de répondre à cette difficile et complexe question. Bonjour, bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à ce nouveau moment donc de ce forum France Culture, la planète se réchauffe, comment s'y prépare-t-on? Nous allons donc aborder la question du point de vue des sciences, au sens le plus large du terme. Tout au long de cette heure, puisque en fait, à ceux qui douteraient encore que le réchauffement climatique est une réalité scientifique attestée, quantifiée, il est depuis l'ère pré-industrielle d'ores et déjà de plus 0,6 degrés hein, à l'échelle de la planète, plus 1 degré pour la France. Et ce forum vient en fait répondre, ou tenter de répondre en tout cas, à une question qui se pose souvent, que vous n'entendez pas, parce que ça se passe souvent hors micro, après l'émission, dans ces émissions qui sont consacrées à l'environnement, au climat, à la biodiversité. Souvent, avec les scientifiques invités, dès qu'on pose ces questions, on sort de studio en se disant « mais comment faire, comment dire ?» la réalité de ce qui est en train de se produire, de cette modification anthropique de notre écosystème terrestre. Comment parler des conséquences sans précédent de notre action en tant qu'espèce dominante? Le discours catastrophiste, c'est celui qui tient lieu de discours majoritaire. Depuis près de 40 ans, ce discours catastrophiste n'a manifestement pas d'effet, ou presque pas d'effet. Les habitudes de vie, la consommation, la dépense en énergie, en carbone, l'effondrement de la biodiversité continue malgré les alertes, malgré les menaces, malgré les pétitions, malgré les marches. Alors si la sonnette d'alarme, comme on l'appelle, qui retentit depuis 40 ans, je le disais, est certainement de plus en plus fort chaque jour à mesure que l'on constate les effets de ce réchauffement climatique. Comment faire? Comment dire? Autrement que dire, ben on va droit dans le mur, on vous avait prévenu. Bon, c'est pas très efficace. Alors aujourd'hui, du coup, avec ce forum, nous essayons collectivement, en tant que chaîne sur France Culture, un autre discours, un discours qui serait le « et après ». Que se passe-t-il, puisque le réchauffement climatique est là, que se passe-t-il à plus 1 degré, 1 degré et demi, plus 2, peut-être même 3, 4 ou 5 degrés à l'horizon 2050, 2100, comment fait-on? Comment allons-nous vivre collectivement dans ce monde durablement modifié par notre action? Il ne s'agit pas de s'y résigner, comme vous allez l'entendre, mais de s'y préparer et de se demander ce que les scientifiques, les écologues, les climatologues notamment, nous disent à ce propos. Ce sont eux que nous avons réunis aujourd'hui pour débattre de cette question. Bonjour Agathe Zen, vous êtes anthropologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire technique, territoire et société, directrice adjointe scientifique de l'Institut écologie et environnement. Vous avez co-dirigé un ouvrage important, intéressant sur la question « L'adaptation au changement climatique, une question de société » au pluriel, c'est aux éditions du CNRS. Marc Foncave, bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire chimie des processus biologiques. Luc Abadi, bonjour. Vous êtes professeur d'écologie à Sorbonne Université, co-directeur de l'Institut de la transition environnementale. Et enfin, Jean-François Soussana, bonjour à vous. Vous êtes directeur de recherche et vice-président de l'INRA et membre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Alors, pour commencer, eh bien, on va commencer par la question qui fâche. Est-ce que penser à l'adaptation de la vie dans un monde à plus de degrés, ça n'est pas concéder la défaite, c'est-à-dire finalement renoncer à éviter l'emballement des températures et s'avouer vaincu, Agathe Zen? Ah ben non. Il faut que les choses soient claires. Effectivement, les scientifiques ont mis en évidence le fait que l'action anthropique avait favorisé une accélération des impacts relatifs au changement climatique sur nos sociétés. Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place depuis plus d'une vingtaine d'années sur les questions d'atténuation, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut s'adapter, mais il faut continuer à faire les efforts nécessaires pour limiter le processus d'accélération qui est en cours. Et donc, il ne faut pas du tout, non seulement se considérer comme étant face à un fait accompli, il y a des réalités pour lesquelles il faut réagir, mais les gens réagissent. Pas à tous les niveaux, on va le voir, pas à toutes les échelles, mais il y a quand même des choses qui se font. Marc Foncave, sur cette question. Oui, votre question et votre introduction soulèvent un certain nombre de questions. La première, c'est qu'il me semble que, bien sûr, s'il y a des débats menés par certains sur le réchauffement climatique, son origine, son explication, il me semble quand même qu'aujourd'hui, plus personne de sérieux ne remet en cause ce schéma-là. Donc, je pense qu'il n'est pas absolument utile de se concentrer sur ces quelques-uns qui ont ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est que moi, au contraire, je me sens un peu inconfortable par rapport à la question de l'adaptation, parce que effectivement, j'ai un peu l'impression qu'il s'agit d'admettre qu'on n'arrivera pas suffisamment vite à résoudre un certain nombre de questions, pas toutes. Moi, par exemple, qui travaille aujourd'hui, au jour le jour, sur des questions de stockage des énergies renouvelables, je peux pas, disons, fonctionner intellectuellement et dans ma vie professionnelle et avec mes collaborateurs dans mon laboratoire en me disant, bon, maintenant, la question n'est plus là, la question c'est, je dois impliquer mes équipes dans une recherche dans 10 ans, 20 ans, quand il fera 2 ou 3 degrés de plus, parce que c'est ça la question principale. Voilà. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que je veux bien participer à cette réflexion sur l'adaptation. Elles sont exclusives l'une de l'autre, ces deux pensées, Jean-François Soussana, penser à empêcher qu'advienne ce réchauffement et en même temps se préparer à ce qu'il se passera s'il advient. L'adaptation est absolument indispensable, mais elle n'est pas du tout suffisante. Alors elle est indispensable parce que en Europe, nous allons avoir une multiplication par 50 d'ici à la fin du siècle, si on se projette sur un scénario tendanciel, du nombre de victimes liées à des catastrophes climatiques, à des événements climatiques extrêmes. Évidemment, on ne peut pas, devant ces chiffres, dire « ne faisons rien, attendons que ça se passe ». Ça n'est absolument pas suffisant, puisque de toute manière, si nous ne faisons rien pour limiter l'ampleur du changement climatique, nous irons encore vers des catastrophes bien supérieures qui, littéralement, remettront en cause la durabilité de l'ensemble des sociétés dans le monde, et d'abord dans l'hémisphère sud, enfin d'abord, en tout cas, dans les pays en développement, pour lesquels les questions d'adaptation sont cruciales. Elles sont dès aujourd'hui cruciales. Donc, si vous voulez, la grande question que nous avons devant nous, c'est comment rendre compatibles l'adaptation et l'atténuation et éviter des scénarios dans lesquels on s'adapte, mais on renforce les problèmes. Donc, par exemple, si vous vous adaptez à des vagues de chaleur en achetant des climatiseurs, bah, évidemment, vous augmentez la consommation d'énergie. C'est pas tellement dans cette direction qu'il faut aller. Mais on le développera sans doute plus tard dans l'entretien. Il y a énormément de possibilités de trouver des trajectoires qui combinent adaptation, atténuation et qui, en fait, augmentent la résilience des sociétés par rapport à ces changements globaux. On reviendra d'ailleurs sur cette notion de résilience qui est très importante. Luc Abadi, pour terminer ce tour de table introductif. Oui. Il n'y a évidemment aucune incompatibilité entre l'adaptation et puis la prévention finalement des risques climatiques. Et on pourra sans doute montrer au cours de la discussion que de façon très concrète, techniquement, quand on met en place une mesure d'adaptation, eh bien, dans quasiment tous les cas, cette mesure va avoir des effets aussi sur les causes du changement climatique. Et donc en réalité, d'ailleurs c'est un débat pratiquement qui est terminé dans les milieux très spécialisés, cette distinction entre adaptation et prévention, mitigation, comme on dit, réduction, n'a quasiment plus lieu, puisque les mesures, en fait, ont des résonances dans les deux aspects de ce changement climatique. Et puis, par ailleurs, ce qui est important de dire aussi, peut-être, c'est que on s'aperçoit aussi que ces mesures qui sont à la fois valables pour la mitigation et pour l'adaptation, ont aussi des résonances sur d'autres aspects de la crise environnementale, parce que je pense qu'il est important aussi de dire au début de ce débat qu'à côté de la crise climatique, il y a une crise de la biodiversité, il y a une crise de la qualité des sols, etc., etc., et que tout ça c'est lié, on est dans ce qu'on appelle un système complexe, et donc finalement à chaque fois qu'on prend une mesure, on a des impacts sur tout un tas d'autres dimensions. En quelques mots, pour faire un peu de prospective, à quoi est-ce que c'est la même chose, par exemple, de s'adapter à un monde à plus 2, à plus 3 ou plus 4 degrés? À quoi ressemble, Agathe Euzène, un monde à plus 2 degrés? À quoi va-t-il falloir s'adapter? Est-ce que cela a déjà été décrit par la recherche? On parle du climat, mais comme ça commence à être évoqué par Luc Abadi, on est dans un contexte de changement global. C'est-à-dire que on a une accélération des mobilités, de la circulation de l'information, de la mondialisation, On consomme plus de la même manière aujourd'hui que la façon dont on consommait quand on avait simplement un lopin de terre. Et donc, du coup, de la même manière, en termes d'aménagement des territoires, on tient, c'est une approche complètement globale. Et on peut éventuellement envisager le fait que certaines communautés puissent avoir davantage de problèmes liés à la construction ou au creusement d'une nouvelle mine que par rapport au problème du changement climatique. Et donc, faire la part des choses entre ce qui relève du changement climatique ou ce qui relève de l'installation de nouvelles infrastructures, d'un développement touristique outrancier certaines périodes de l'année qui a un impact sur les ressources, pose aussi un certain nombre de questions. Donc, c'est important, à mon sens, d'inscrire cette réflexion dans cet ensemble-là, qui va au-delà des questions environnementales et qui, évidemment, ont des conséquences directes sur la biodiversité. Donc, les questions se posent différemment selon l'endroit où les populations se trouvent, selon leur capacité à réagir en fonction du type d'habitat, par exemple, dont ils disposent, leur niveau socio-économique. On sait bien qu'en général, ce sont les plus précaires qui payent plus que les personnes qui ont plus de moyens, qui peuvent ne serait-ce que se faire assurer quand il y a une catastrophe, alors que ceux qui vivent dans un habitat précaire n'ont pas, forcément. Marc Monca ? Oui, quel sera l'avis à ces températures-là ? Je crois qu'il y a tout un tas de travaux qui indiquent assez clairement et des extrapolations de tendances qui montrent bien qu'en effet, cette augmentation de température va conduire à des canicules localement, des sécheresses et à d'autres endroits des excès de précipitations. Il y a évidemment la question de la montée des eaux. On parle de 10, entre 10 et 15% de la surface terrestre qui change l'écosystème, oui, de 40 à 80 cm des montées des eaux, un quart des espèces éteintes. Oui, il faut faire attention parce que ce sont des travaux qui sont en cours et travaux de prospective. Il y a plusieurs scénarios, voilà. Disons que les tendances sont celles-là. Moi, je reviens à ce qui a été dit parce que si sur cette question de l'adaptation, on se limite à parler globalement d'une température de la Terre, d'une montée générale des eaux, d'une quantité de précipitation donnée, etc. Enfin, à mon avis, on n'y arrivera pas. Et évidemment, la très très grande difficulté, c'est que il faut traiter les choses à l'échelle locale. Donc chacun dans sa région va être confronté à des problèmes tout à fait différents. Évidemment, très différents entre une île dans tel ou tel océan et puis et la Bretagne, évidemment. Et puis même à l'intérieur d'un pays comme la France, même si globalement c'est une région tempérée, entre le nord et le sud, évidemment, il va y avoir de très grandes différences. Entre la montagne et le bord de mer, ça va être très très différent. Donc là, on va être obligé quand même de rentrer dans le détail. Le GIEC, en l'occurrence, Jean-François Soussana, travaille sur des solutions intégrées. La France, elle-même, depuis 2011, a adopté un PNACC pour Plan National d'Adaptation au Changement Climatique. De quoi ? Deux, puisque ça a été revu en 2016-2017. Quelles sont ces solutions intégrées ? Quels sont les scénarios auxquels le GIEC, sur lesquels le GIEC travaille, Jean-François Soussana ? Donc, il faut tout d'abord réaffirmer que on a une différence qui est établie maintenant grâce au rapport spécial qui vient d'être publié par le GIEC, qui montre que un réchauffement à 1,5 degré a des effets nettement moindres sur les écosystèmes, sur l'insécurité alimentaire, sur la santé, que un réchauffement à 2 degrés. Donc, si vous voulez, une différence qui peut sembler infime, un demi-degré à l'échelle globale, c'est significatif en termes d'impact et du coup en termes de besoin d'adaptation. S'adapter à 2 degrés, ce sera plus difficile que s'adapter à un climat qui serait stabilisé à 1,5 degré. Alors, pour faire comprendre les choses, il faut aussi dire que pour parvenir à stabiliser le climat avec un réchauffement anthropique de plus 1,5 degré, il faudrait que nous soyons, entre guillemets, à la neutralité carbone dès 2050. C'est-à-dire que nous soyons en mesure de compenser nos émissions qui sont liées aux gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote essentiellement, par une recapture du CO2 atmosphérique, et en tout cas qu'on arrive le plus rapidement possible à la neutralité carbone, ce qui est un effort considérable pour les sociétés. Néanmoins, nous travaillons en ce moment sur un rapport sur le secteur des terres, et nous voyons effectivement qu'il y a des solutions intégrées, que ces solutions, on pourrait peut-être les décliner plus en détail, mais si vous voulez, solutions intégrées. Alors, lorsque l'on travaille sur les sols, on se rend compte que les sols, leur restauration, leur amélioration, leur conservation, c'est une manière à la fois de s'adapter au changement climatique, de stocker du carbone dans la matière organique des sols, de lutter contre l'insécurité alimentaire, de contribuer à la biodiversité, à la restauration des écosystèmes. Ça, c'est un type de solution. Il y en a d'autres, l'agroforesterie, l'agroécologie. Alors effectivement, le programme 4 pour 1000 qui avait été proposé par la France lors de la COP21 essaie d'organiser des initiatives dans ce sens-là. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, en quelques mots ? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, il s'agit de se dire, donnons-nous une cible pour les sols de la même manière qu'on s'est donné une cible pour le climat. Cette cible, elle consiste à imaginer que l'on pourrait augmenter la matière organique des sols de 0,4% par an, et ceci sur l'ensemble des sols de la planète. Alors c'est à la fois modeste, 0,4% par an, et extrêmement ambitieux, parce qu'on voudrait toucher l'ensemble des sols. Donc ça concerne tous les gestionnaires de l'agriculture. Il y a 500 millions d'agriculteurs. Cela concerne donc aussi les forêts, les sols qu'on pourrait revégétaliser, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y en a en fait beaucoup d'autres. Il y a les solutions qui sont fondées sur la nature, l'adaptation des écosystèmes, l'agroforesterie, l'agroécologie. En fait, c'est très convergent. Ce qu'on cherche à faire, c'est imaginer comment on pourrait redonner aux écosystèmes toute leur place dans le monde pour limiter les impacts du changement climatique et pour permettre aux sociétés en fait de continuer à se développer. Luc Abadi, sur cette question des programmes, des solutions, de l'adaptation, dans un monde, on est en train de parler d'un monde à plus 2 degrés, je parle sous votre contrôle Jean-François Soussana, mais les derniers rapports du GIEC ont tendance à dire qu'on est plutôt sur le haut de la courbe, que plus 2 degrés, ça va quand même être compliqué de rester là. Comment anticiper ? Est-ce que effectivement c'est de la gestion anticipée de la catastrophe ? Est-ce que ça veut dire anticiper, avoir finalement accepté ce discours catastrophiste ? L'approche par le discours catastrophiste, je la trouve toujours un petit peu difficile, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire le mot catastrophe ? Je crois que ce qui me paraît nécessaire pour véritablement entrer dans des dynamiques positives par rapport à ces changements, c'est d'accepter le fait de regarder la réalité en face, comme on dit de façon commune. Il faut accepter le fait qu'on est parti sur un changement qui va être extrêmement dur en termes d'impact. Et quand la question tout à l'heure, c'était finalement la différence entre 2 et 4, je rappelle quand même qu'il y a encore 4-5 ans, on disait, voilà, 2 degrés, au-delà de 2 degrés, on rentre dans un monde inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, historiquement, quand on regarde l'histoire de la planète récente, sur 1 ou 2 millions d'années, on n'avait pas, dépassé cette température qui sera atteinte avec plus de 2 degrés. Donc aujourd'hui, on est sur une trajectoire, ça a déjà été dit, ça va être très compliqué de rester sur 2 degrés. Les processus en termes d'impact qui sont derrière le 2 ou le 4 degrés, ils sont les mêmes. C'est simplement une question de vitesse. Alors je vais essayer d'illustrer mes propos. C'est une question qu'on se pose en recherche. Si vous regardez, on raisonne tout le temps en moyenne. On a un problème de communication, ça a été un petit peu dit avant. Quand on parle de 2 degrés, 2 degrés, 1 degré, ça fait 1 degré de différence. Si vous regardez les extrêmes, par exemple, sur les périodes de canicule, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, en 2003, la température moyenne à Paris, c'était 23 degrés pendant le mois de juillet. Il y a eu des canicules à 39 et quelques degrés. Sous-abri. Oui, sous-abri, bien entendu. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. À chaque fois qu'on gagne un degré, on augmente énormément la variabilité du système climatique. Alors si je reviens à la question des impacts, par exemple sur la biodiversité. En gros, le changement climatique, même si on raisonne en termes de moyenne, ça correspond, c'est déjà avéré, à des déplacements de zones de pluie et de température. Et chaque organisme, il est plus ou moins compatible avec une zone de température et de pluie. Donc, si on a un déplacement des zones climatiques, ce qui est encore une fois avéré, vers le nord dans l'hémisphère nord, on va avoir un déplacement nécessaire des espèces derrière pour survivre. Et donc, après, la question, c'est la vitesse de dispersion des espèces est-elle compatible avec la vitesse de déplacement des zones climatiques ? La réponse, elle est oui pour un certain nombre d'espèces, les oiseaux, les mammifères. Elle est non pour beaucoup d'autres, des invertébrés, voire même des végétaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le futur, on aura des assemblages d'espèces qui ne seront pas les mêmes, puisque tout le monde n'aura pas bougé à la même vitesse. Et donc, le grand défi scientifique, déjà, ça va être de comprendre comment peuvent se structurer de nouveaux assemblages d'espèces. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de fonctionnement et de conséquences concrètes pour nous-mêmes ? Voilà. Une question de recherche, par exemple, qui se pose, qui va être qui pose des questions théoriques. Derrière, on a besoin de faire une recherche de pointe pour essayer de comprendre cette manière, cette structuration des assemblages d'espèces. Alors, ça veut dire aussi qu'on va passer par une phase de pagaille, de déstructuration de communautés. Il va y avoir des régulations entre espèces qui vont sauter nécessairement. Et puis, on reviendra, bien entendu, à une certaine échéance, à un nouvel équilibre. Donc, le phénomène vivant n'est pas menacé par le changement climatique. C'est son aspect, sa composition qui va changer et les conséquences pour nous-mêmes. Marc Fontcave. Oui, tout ce qu'on entend est très intéressant. Simplement, permettez-moi de revenir à nouveau sur cette demande de traduire un certain nombre d'orientations à l'échelle locale. Vous parlez par exemple de ces 0,4% sur l'ensemble de matières organiques supplémentaires sur toutes les terres de la planète. Bon, j'ai un peu peur que si on donne ça comme cadre et comme objectif d'action, en pratique, ça va être assez difficile parce qu'on n'est pas tout seul à prendre ces décisions-là. Donc, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on puisse revenir sur, par exemple, le cas de la France, comment une politique d'adaptation se traduit pour un pays comme la France. Et comme, en effet, vous l'avez indiqué, il y a eu deux versions d'un plan, je me souviens plus du terme, mais de... PNAC, PNACC, pour voilà. Plan National d'Adaptation au Changement Climatique. Voilà. Le dernier a été revu à l'été 2017. Donc, peut-être ça serait intéressant d'entendre à nouveau les spécialistes nous dire en quoi ce plan est adapté, pertinent, ou au contraire a oublié un certain nombre de sujets, et comment concrètement, nous tous aussi, aujourd'hui, pouvons anticiper un certain nombre d'actions et y participer. Parce que, à nouveau, bien sûr, c'est pas toujours aux autres de faire les choses, c'est tous collectivement et à l'échelle individuelle, bien sûr. Oui, alors merci, parce que ça permet de revenir sur cette dimension locale de l'adaptation et de se dire que chaque fois qu'on voudra agir, il faudra agir très concrètement avec des communautés qui sont à l'origine des changements. Alors la caractéristique du plan national d'adaptation au changement climatique, c'est qu'il a travaillé à la fois sur les secteurs et il a travaillé également sur les collectivités territoriales. Et finalement, il se traduit par la mise au point de plans d'adaptation par chacune des collectivités territoriales. Ça, c'est tout de même très intéressant parce que cela permet d'avoir du concret et cela a permis à des villes, à des départements, à des régions de s'interroger sur ce qu'ils allaient faire concrètement sur leur territoire. Ce n'est pas pour autant qu'on a trouvé des solutions. Parce qu'il faut revenir aussi sur le fait que nous ne sommes pas simplement par rapport à un réchauffement, confrontés à un réchauffement tendanciel, mais nous sommes aussi confrontés à la variabilité du climat et à des extrêmes. Lorsque vous avez eu cette fameuse canicule durant l'été 2003, on a eu une chute des rendements des cultures de 30%. Ça s'est reproduit en 2016. En 2016, à l'inverse, c'était dû à des inondations, c'était dû à une précipitation intense qui se sont accompagnées d'une chute de rendement du blé de 30% en France, qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, si vous voulez s'adapter, cela doit être à la fois local, à la fois conçu par rapport aux risques qui se produisent pour les extrêmes et pour la variabilité. Et bien sûr, l'adaptation, elle doit être conçue avec tous les acteurs. Alors justement, concrètement, peut-être pour prendre vraiment des exemples précis, Agathe Euzen, aujourd'hui, comment, dans ce plan, que ce soit le plan français, que ce soit sur des endroits où le réchauffement climatique a des effets peut-être plus prégnants, plus forts qu'à d'autres, quelles sont les solutions que proposent aujourd'hui les différents secteurs de recherche pour s'adapter, pour anticiper justement ce qui va se produire dans ce monde à plus de degrés ou avec des pics de chaleur même plus importants et des modifications Oui, je vais prendre quelques exemples sur l'eau que je connais un petit peu mieux. Alors, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que sur les territoires, à toutes les échelles, c'est déjà depuis 1992, avec Rio, que les collectivités se sont engagées et s'engagent notamment avec les agendas 21. Les agendas 21 qui ont évolué en intégrant des plans climat locaux et avec des réflexions qui s'inscrivent davantage et de plus en plus dans une réflexion multi-acteur. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que c'est en relation avec le PNAC notamment, au niveau des... Donc on agit à tous les niveaux. Au niveau d'un bassin, par exemple, le bassin Seine-Normandie, l'agence de l'eau Seine-Normandie a établi son plan climat et intervient à l'échelle locale pour essayer de réduire la pression sur les ressources, notamment par rapport aux besoins agricoles qui s'expriment sur le territoire, mais en même temps pour éviter tout conflit d'usage possible compte tenu de l'ensemble des besoins de ces ressources-là. Et donc, il y a des équipes pluri-acteurs avec des gens directement concernés pour mettre en place des aménagements qui soient adaptés. La même manière, si on s'inscrit dans la question de la continuité écologique, qui est une approche, je dirais, même européenne, qui se décline à l'échelle nationale dans la réglementation, mais qui s'inscrit évidemment dans la mise en œuvre à l'échelle locale. Continuité écologique, ça veut dire essayer de favoriser à l'eau de circuler sans avoir trop de d'interruptions, et donc du coup aussi aux poissons qui vivent par là, de vivre et de d'avoir une mobilité qui permet d'aller nidifier là où ils ont envie d'y aller et pas d'être bloqués par un seau, par un barrage, etc. Donc tout le travail qui a été fait, parce qu'on a aussi un patrimoine, hein, avec les moulins, par exemple, qui fait que l'intérêt individuel d'enlever cette rupture et ce barrage a une incidence sur une valeur sociale, une valeur économique, mais ça rend une valeur écologique au milieu et ça participe à l'échelle locale à une réflexion et à une action beaucoup plus globale sur l'ensemble d'un cours d'eau et même à l'échelle d'un bassin. Ça, ce sont des actions plus de pour préserver ce qui reste, pour essayer de garder, de conserver encore un certain état de la biodiversité. Que se passe-t-il, par exemple, Kabadi, quand on a concrètement des chutes de biodiversité critiques, des chutes d'espèces, quand on a certaines espèces, on parle de bénéfices ou de coûts écosystémiques. Évidemment, la disparition des abeilles n'a pas le même impact sur l'environnement que la disparition des pandas. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on anticipe, à un moment donné, justement, la disparition de ces de ces bénéfices écosystémiques liés à la chute de la biodiversité? Alors, on peut anticiper en se référant aux connaissances qui ont été accumulées sur les grands principes de la dynamique de la biodiversité. Par exemple, ça a été évoqué avant pour l'eau, ça marche aussi pour la biodiversité. La continuité des milieux est un point clé pour le maintien de la biodiversité. C'est facile à comprendre puisque j'ai dit avant qu'un des problèmes, c'était le mouvement dans l'espace des espèces. Donc, si vous avez des obstacles partout, moi, je sais pas, je dis n'importe quoi, des zones urbaines très denses ou des plaines céréalières interminables, on va créer des obstacles, le mouvement des espèces sera compliqué et donc ça contribuera encore plus fortement à l'extinction des espèces, ou en tout cas à l'extinction locale de population. Donc, là, la solution, elle existe, elle est d'ailleurs mise en œuvre, hein, c'est les histoires de trames vertes et de trames bleues, on essaye de reconstituer des continuités physiques pour que les espèces puissent bouger, parce que la mobilité est l'enjeu de la survie dans le cadre du changement climatique. Et puis quand on ne peut pas, on va mettre des corridors forestiers partout, ou des haies partout, hein, mais simplement on peut aussi travailler sur la nature des milieux intermédiaires qui permettent quand même de passer à travers. Après, il y a d'autres principes en écologie autour de l'adaptation. Il va falloir qu'on s'adapte. Finalement, il va y avoir plus de sécheresse, moins de sécheresse par endroit, des inondations, moins, etc. Ça va être très variable. La réponse théorique qu'on connaît bien en écologie, à cette incertitude finalement sur les conditions, c'est quoi? De nouveau, c'est la diversité. C'est pour ça que, par exemple, en agroécologie, finalement, on revient un petit peu en arrière par rapport à ce que, enfin, on revient même beaucoup en arrière sur ce qui a été fait auparavant. On essaye de revenir à des mélanges de variétés, à des mélanges d'espèces. Voilà. Ça, il y a comme ça, dans la science, un certain nombre de grands principes, de grandes lois. On a compris comment fonctionne la biodiversité. Et le grand défi aujourd'hui, effectivement, c'est de voir comment on traduit ça, non pas comme recette pour agir, hein, je suis pas capable de vous dire, voilà, faut appuyer sur tel bouton pour obtenir tel effet, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez une biodiversité qui se maintienne, alors il faut une continuité des milieux dans lesquels se situe cette biodiversité. Si vous voulez une certaine résilience des productions agricoles, alors il va falloir diversifier en espèces et en diversité génétique les cultures, etc., etc. Et on a comme ça beaucoup de connaissances qui peuvent orienter l'action. Et sur un certain nombre de points, on a également des connaissances très précises, très techniques, qui peuvent permettre d'agir vite et de gagner sur plusieurs plans. Je vais juste donner un exemple dans le milieu urbain. La question de la végétalisation des villes. Ça peut paraître un peu folklorique, hein, planter des petites fleurs, des arbres, etc. Oui, mais quand on regarde, par exemple, quand on fait des modèles, ça a été fait sur la ville de Manchester. Si on végétalise les toits végétalisables à Manchester, on peut gagner de 7 à 8 degrés sur les pics de température pendant la canicule. Vous vous rendez compte l'effet sanitaire que ça va avoir sur les gens? Jean-François Soussana, sur peut-être, on reviendra sur cette notion de ville végétale. On voit bien comment on peut adapter une ville. C'est un espace limité. On voit mal, effectivement, ou peut-être plus mal, comment on peut redonner à ces terres, à ces sols appauvris, à ces terres qui ont été dévastées, de la biodiversité, de la richesse. Comment est-ce qu'on peut les revitaliser? Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui sont faits par le GIEC dans ce sens-là, en chimie, en écologie? Oui, alors ça permet de revenir sur cette dimension également de la sécurité alimentaire mondiale, parce que si vous voulez, l'un des grands secteurs qui est le plus touché très directement par les impacts du changement climatique, c'est bien sûr l'agriculture et l'alimentation. Alors déjà, on peut rappeler que on a aujourd'hui des indications pour indiquer que la sécurité alimentaire mondiale serait gravement menacée par un réchauffement qui serait à plus 4 degrés. Donc ça, on peut tout de même l'affirmer. Et on peut aussi gravement dire, menacé, c'est un euphémisme pour dire. C'est-à-dire qu'on aurait un renforcement du nombre de personnes en sous-nutrition chronique, et ceci dans les différents scénarios de population, sachant que la population, c'est aussi une variable très importante, et les modes de vie également. Mais là où je voudrais revenir sur les convergences et les co-bénéfices qu'on peut trouver, et ça a été bien dit par Luc Abadi, c'est que nous avons devant nous une grande transformation dans ce secteur, et cette transformation, elle peut s'accompagner de co-bénéfices, puisque si vous voulez, si on veut avoir une meilleure sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique, effectivement, on va avoir recours à une plus grande diversité des cultures. Derrière cette diversité des cultures, vous avez aussi une place des prairies et de l'élevage, parce que l'élevage, c'est tout de même une valorisation de toutes ces surfaces qui ne sont pas cultivables, qui sont en montagne, qui sont dans des conditions humides, et ainsi de suite. Et en travaillant sur l'ensemble de ces éléments d'une mosaïque paysagère, vous avez des effets positifs pour la biodiversité, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une transformation dans le système alimentaire avec un rééquilibrage pour la santé. En effet, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans les pays occidentaux avec des régimes qui sont pas tout à fait équilibrés, qui sont différents des recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé, des excès de sucre, des excès de graisse saturée, des excès de viande rouge dans certains cas. Et si l'on a un rééquilibrage de l'alimentation, on peut aussi avoir un rééquilibrage de la mosaïque paysagère et donc une meilleure résilience par rapport aux aléas climatiques. Aussi des effets positifs pour la biodiversité, pour les sols, pour les ressources naturelles. Donc c'est finalement sur ces convergences-là qu'on est en train de travailler et on voit qu'on a beaucoup de possibilités et là encore c'est compatible avec l'atténuation de l'effet de serre puisqu'on peut stocker du carbone dans les sols, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre des sols et des animaux. Stocker du carbone, c'est ce fameux programme 4 pour 1000. Marc Fontgave, aujourd'hui, justement, dans la lignée de cette adaptation, l'adaptation va nécessairement par une réduction du CO2 atmosphérique. Jean-François Soussana disait tout à l'heure, il faut arriver à la neutralité carbone en 2050. On voit pas très bien aujourd'hui comment on va y arriver, mais enfin, en tout cas, c'est un objectif. Aujourd'hui, vous, concrètement, sur ces questions de capture du carbone atmosphérique, sur ces questions de travaux, de recherches fondamentales dans le domaine de la chimie, quelles sont les recherches, quels sont les travaux que vous effectuez qui peuvent permettre justement d'anticiper cette vie à plus de degrés. Dès aujourd'hui, et puis y compris dans un monde où on sera déjà à 2 degrés ou plus, ce qui voudra dire qu'on a été trop lent dans cette question de la capture du CO2 ou de la baisse de sa production, de son émission, il faudra donc effectivement continuer des efforts qu'on mène dès aujourd'hui. Il faut dire les choses clairement. Sur la question de la capture du CO2, c'est plutôt un échec aujourd'hui. Il y a des travaux qui sont menés effectivement pour trouver des technologies à base de chimie, en faisant réagir le CO2 avec une molécule, à base de procédés membranaires. Enfin, il y a tout un tas de stratégies. On y arrive. Le problème, c'est que pour le moment, on ne sait pas faire ça à l'échelle du CO2 atmosphérique, qui est beaucoup trop dilué, sauf à mettre en œuvre des coûts énergétiques colossaux. Par contre, on peut être un peu optimiste en se disant que, je sais pas, on doit être à quelque chose sur la planète de l'ordre de 35 gigatonnes de CO2 d'émis, et il y en a à peu près 10% qui sont émis de façon très concentrée sur des sites industriels, sur des fermenteurs, sur des cimenteries, sur des centrales thermiques, enfin, etc. Ce n'est que 10%, mais c'est déjà 10%. Et donc, à ces endroits-là, on peut penser à avancer et utiliser ces nouvelles technologies pour piéger ce CO2-là. L'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce CO2? Alors, il y a différentes stratégies. Il y en a une que moi, je ne suis pas, mais qui est suivie par d'autres, c'est de le séquestrer. C'est-à-dire de s'en débarrasser quelque part, de le mettre au fond de la terre, voilà. Et dans la roche. De ne plus le voir. Moi, à l'inverse, je travaille sur des technologies, je ne suis pas le seul, on est plusieurs dans le monde, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, sur des technologies d'utilisation de ce CO2. Mon rêve, comme d'autres, c'est de se dire que, au fond, il y aura bien un moment dans l'histoire de la Terre et de l'humanité où il n'y aura vraiment plus de fossiles, et pourtant le monde va rester carboné. Tout ici est carbone, hein. Vous-même, vous êtes tous du carbone. Et donc, où est-ce qu'on va tirer ce carbone? Évidemment, il y a la biomasse. Pourquoi pas aussi un peu du CO2 qu'on capture aujourd'hui des sites concentrés, mais demain peut-être aussi dans l'atmosphère, et ça fera une source de carbone pour l'industrie chimique et puis nos polymères de demain. Voilà. Alors, voilà, tout ça, ce sont des stratégies qui sont travaillées dans les laboratoires, aussi bien d'ailleurs académiques comme le mien ou industriels, d'ailleurs les deux travaillant ensemble, y compris certaines entreprises qui sont pointées du doigt mais qui travaillent aussi sur cette technologie, je pense à Total par exemple. Pour le moment, il faut être très clair, on n'est pas au niveau technologique suffisamment avancé pour dire que dans 10 ans, 20 ans, une grande partie du carbone de l'industrie chimique viendra du CO2 capturé. Mais est-ce que, oui Jean-François Sonna, la question c'est, est-ce que, un peu comme on a pu à un moment donné avoir des espoirs sur ce qui relève de la géo-ingénierie, qui finalement est très déceptive à plein d'égards, on se rend compte que la géo-ingénierie c'est jouer avec un jeu qui nous dépasse et souvent avoir des conséquences bien plus négatives que ce qu'on essaie de corriger, est-ce que les solutions, l'adaptation est vraiment technologique? Est-ce que la technologie peut nous permettre de vivre dans un monde à plus de degrés, ou est-ce que là aussi c'est un peu une utopie scientiste? Oui, alors je voulais d'abord revenir sur cette question de la capture du CO2 atmosphérique, parce que c'est une question qui est très présente dans les débats internationaux, puisque si vous voulez, on voit bien qu'on a devant nous deux trajectoires possibles, pour simplifier beaucoup. Une trajectoire vertueuse dans laquelle nous serons capables, d'ici à 2030-2050, de réduire d'une manière drastique nos émissions dans l'ensemble des secteurs, hein, que ce soit l'industrie, les transports, et puis aussi l'agriculture. Je rappelle à toutes fins utiles que des chiffres sont tombés cette semaine et que les États-Unis émettent 3% de plus de CO2 et qu'ils ont atteint un niveau d'émission jamais atteint de leur histoire. Donc on ne va pas exactement dans le sens que vous décrivez. Non, absolument. Mais enfin, bon, ça c'est l'hypothèse optimiste. Et puis vous avez une hypothèse qui est pessimiste, bien sûr, dans laquelle nous ne parviendrons pas à ces réductions et dans laquelle il faudra recapturer de manière assez massive le CO2 atmosphérique. Alors il y a les procédés qui viennent d'être évoqués, mais vous avez aussi une possibilité qui est très discutée aujourd'hui, qui consiste à produire de la biomasse, par exemple des arbres, des forêts, brûler cette biomasse et recapturer le CO2 issu de la combustion, puis aller le stocker dans des réservoirs géologiques. Alors, si vous faites ça, vous avez, sur le papier en tout cas, un potentiel énorme de recapture du CO2 atmosphérique, et certains comptent finalement là-dessus en se disant, après tout, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on va recapturer plus tard ce CO2, et donc on atteindra nos objectifs climatiques. Alors, malheureusement, quand vous regardez plus en détail ce scénario, eh bien, c'est un scénario qui suppose de mobiliser des terres à très grande échelle, et nous analysons en ce moment les effets antagonistes avec la sécurité alimentaire, la biodiversité et ainsi de suite, ou l'eau. Donc on se rend compte que déployer ce scénario à très grande échelle est probablement très peu réaliste. Et les sites de séquestration sont en général pas obligatoirement au même endroit que... Absolument, absolument. Que là où on veut le produire. Agathe Ozen, ça vous faisait rire quand je disais, ça vous faisait sourire en tout cas quand je disais que l'utopie d'une anticipation, que la sortie par la technologie était peut-être une utopie scientiste. Pourquoi? Oui, en fait, ça fait rire jaune, parce que je crois que la réalité montre qu'on peut avoir les technologies les plus extraordinaires qui soient, si elles sont pas appropriables, appropriées, adaptées aux réalités de nous, chacun humain, membre de la société civile, citoyen, consommateur, ça marchera jamais. Donc de la nécessité, alors je pense que c'est extrêmement important de développer, d'expérimenter d'un point de vue sur les différentes choses. Parfois on peut s'inquiéter des apprentis sorciers, compte tenu des impacts géopolitiques, des impacts de variation de la fonctionnalité finalement d'un certain nombre de systèmes, ne serait-ce que pour capter le carbone, il me semble, mais là je m'adresse aux spécialistes, l'océan a quand même un rôle particulièrement important, donc le préserver peut être quelque chose de pas mal. De la même manière, les marais, toutes les zones humides qui jouent un rôle tampon extrêmement important et de la même manière pour capter le carbone, mais ça encore je me réfère aux spécialistes. Si on l'intègre, ces différents éléments qui existent dans l'aménagement du territoire, les préserver, c'est aussi redonner un sens à la nature, redonner le droit de fonctionner dans ce qu'elle est, et de pas toujours en tant que nous surhumains finalement proposer des choses qui peuvent nous retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que vous l'avez compris, on est tous dans un on est dans l'incertitude, même si on propose un certain nombre de choses, mais les scientifiques s'inscrivent quand même dans cette démarche-là et dans la difficulté à envisager les choses dans un pas de temps. Qui soit assez rapide, mais ça s'inscrit aussi dans d'autres pas de temps de la société, de la politique, de la gestion, de l'aménagement, etc. Donc la technique toute seule, elle peut pas fonctionner. Oui, vous voulez réagir, Marc Fontcave? Oui, évidemment, je ne partage pas du tout cette façon de présenter la science comme d'abord une source de malheur, même si, non, évidemment, c'est pas mon propos. Même si, évidemment, on sait très bien qu'il faut la manipuler avec précaution. Les scientifiques le savent maintenant depuis pas mal de temps. Mais il y a un certain nombre, dans ce domaine de l'écologie et de l'énergie, parce que moi, je suis plus du secteur de l'énergie, mais c'est tellement lié, hein, puisque quand on parle de CO2, c'est bien parce que, pour des raisons énergétiques, on brûle des hydrocarbures. Donc tout ça est lié, mais tous les gens qui sont dans ce domaine-là, qui sont des scientifiques, travaille en espérant, en effet, que la science qu'ils produisent conduira à des solutions. De temps en temps, il y aura des accidents, bien sûr. Mais enfin, il faut faire attention de ne pas annoncer à tout le monde que la science est surtout une source de difficultés. Et donc, je m'inscris en faux par rapport à cette position-là. Je pense que c'était exactement le point de vue d'Agathe Zen. Sur la question de la capture du CO2, sur le fait de capturer le CO2 atmosphérique, et moi plus précisément de capturer le CO2 à l'endroit où il est produit massivement et localement de façon très concentrée, ce n'est pas contradictoire avec le fait d'utiliser les océans pour fixer le CO2. Mais en tout cas, assez clairement, ceci m'apparaît, mais à nouveau, vous voyez, c'est de l'échelle de 10%, c'est pas 100% du CO2. On va pas mettre des systèmes de récupération du CO2 derrière tous les pots d'échappement, ça c'est impossible. Mais 10%, ces 10%-là, si on les attrape avant que l'océan s'en charge, c'est déjà pas mal. Agathe Zen, pour répondre rapidement, et puis je vais relancer aussi, je vais remettre une pièce dans la machine. Vous disiez, et ce que vous décriviez, tout de même, c'est aussi beaucoup de la préservation. C'est-à-dire que dans ce qu'on entend, effectivement, on a l'impression que toute action d'anticipation est avant tout une tentative de préserver ce qui reste encore et ce qui n'a pas été détruit, et même pas de revenir à une situation hantée. Donc est-ce qu'aujourd'hui, les recherches, la science sont à même de proposer des solutions d'anticipation qui soit autre et pas simplement celle de conserver les choses en l'état? Mais je pense qu'il faut agir à tous les niveaux, tout comme je suis convaincue de l'importance et de la nécessité d'approfondir l'expérimentation et la dimension des sciences fondamentales. Pour moi, c'est absolument essentiel. Et même si on n'y trouve pas forcément tout de suite une application, peut-être que dans 10 ans, on sera bien content que ça ait été fait avant pour pouvoir justement répondre à d'autres questions qui sont possibles. Ce qui m'importe de dire, c'est que c'est complémentaire. Et que il faut travailler sur l'ensemble des domaines. Il n'y a pas une exclusivité à la préservation, à l'expérimentation, à l'observation. Je dirais que c'est le processus même du travail du scientifique et dans la méthodologie que d'associer l'ensemble de ces méthodologies pour essayer de comprendre la complexité des systèmes. Voilà. Et que il me semble fondamental d'inscrire chacune des démarches dans cette approche systémique. et en intégrant l'ensemble des acteurs susceptibles d'être concernés dans le domaine scientifique, tant les spécialistes de l'énergie que des gens qui seront à même de réfléchir sur l'aménagement des territoires et de comment sur les territoires les choses vont pouvoir être développées. On évoquait bien la question du stockage qui se passe pas forcément au même endroit. Je dirais que voilà, c'est un ensemble, et si en tant que scientifique on s'inscrit pas dans une démarche pluridisciplinaire, ce qui est extrêmement difficile, on n'arrivera pas à trouver de solution. Par ailleurs, si on avait la solution, ça se saurait. D'accord? Je crois qu'il y a un grand nombre de solutions locales, et pour moi, ces solutions doivent être inspirantes. Inspirantes à chacun pour se réapproprier des éléments qui permettront ensuite de développer son action par rapport à son propre contexte et sa situation. On voit bien, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, que le problème est un problème d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut effectivement trouver des solutions locales, vous en avez évoqué certaines, Marc Onca, vous parlez de la capture de 10%, c'est-à-dire qu'on est tout de même, on a l'impression qu'on est en train de courir après un phénomène dont l'ampleur, on parlait de résilience tout à l'heure, dont l'inertie, dont la force d'inertie est telle que on n'a pas les moyens d'arriver à la hauteur des enjeux et des modifications qui sont en cours, Luc Abadie. Pour le moment en tout cas. Je reviens deux secondes sur l'histoire des solutions techniques et des solutions biologiques. Bien entendu, il y a des solutions. Si je reprends l'histoire du CO2, parce que c'est un déterminant majeur dans cette histoire, il y a des solutions techniques pour la capture du CO2 sur les sources concentrées, plus ou moins opérationnelles, mais elles existent. Il n'y a pas vraiment de solutions techniques pour le CO2 déjà émis et diffus, sauf, sur les sols, ça a déjà été évoqué précédemment. Je pense qu'un grand enjeu, et ça, on peut agir vite là-dessus, c'est de faire que les systèmes agricoles, et en particulier la composante sol des systèmes agricoles, ne soient plus émetteurs de CO2, ce qu'elle est aujourd'hui, mais soient non émetteurs, et mieux, deviennent un puits de CO2. Il y a des potentiels considérables en termes de quantité, et là, c'est un bon exemple. Pourquoi ? Parce que c'est faisable, sans changement drastique de pratique, c'est à la marge, sans manipulation du vivant, je reviendrai sur la manipulation du vivant après, et surtout, il y a un co-bénéfice monstrueux, c'est qu'une fois que le CO2 a été transformé en molécules organiques dans le sol, c'est quoi ? C'est la fertilité des sols. Et on sait très bien que par ailleurs, on va avoir des difficultés nouvelles sur la production alimentaire à cause de la composante climatique des choses, on peut gagner de l'autre côté sur la fertilité. Donc, il y a des solutions, mais vous voyez qu'on peut aussi séquestrer du CO2 dans les forêts. C'est d'ailleurs en toute lettre dans l'accord de Paris. On va faire des puits de carbone avec les forêts. Ou on peut séquestrer du CO2 avec le plancton de l'océan. Il suffit de mettre un peu de fer pour booster la production. Attention. On en est revenu aussi. Hein. Ouais, mais sur les forêts, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que il faut voir qu'on n'a pas un problème et une solution. On a un faisceau de problèmes et un faisceau de solutions. Et c'est ça la difficulté. Par ailleurs, si on a des problèmes à régler, si on a des solutions, c'est une bonne approche. Très bien. Mais c'est peut-être faut se poser des questions sur la trajectoire qui mène à ces questions. Je ne vois pas comment on pourra s'en sortir si on reste que dans le domaine des solutions, c'est-à-dire des réponses, des parades. Il va falloir changer un certain nombre de fondamentaux sur nos modes de développement, ça me paraît évident. Oui, vous voyez bien qu'il y a pas de consensus politique. Il n'y a pas de consensus politique qui porte ces modifications-là. Les solutions que vous décrivez, elles ne sont pas mises en œuvre parce que il n'y a pas d'opérant derrière qui puisse justement les transformer en réalité. C'est bien le problème qu'on est en train de vivre depuis quelques mois de façon très claire. Ceci dit, si on regarde un tout petit peu le détail de ce qui se passe par exemple en France sur ces questions-là, il y a un tas de mouvements qui se sont mis en place dans tous les coins, qui sont en train de réfléchir à ça, y compris à un niveau extrêmement détaillé, pour finalement proposer des plateformes de réflexion, voire des plateformes opérationnelles, qui sont offertes à n'importe qui, en quelque sorte, pour pouvoir y aller. On peut, quand on regarde de près, on peut aller vers ce changement. La question, c'est pourquoi on n'y va pas ? Je pense que c'est parce que, finalement, il y a une espèce de saut psychologique à faire. Moi, j'emploie le mot catastrophe, ça ne me gêne pas. La catastrophe environnementale, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Ce qui veut dire que ce qui est proposé, là, qui est devant nous, c'est de construire quelque chose de nouveau. On a besoin de créativité technique, de créativité sociale, de créativité économique. Ça peut être une période absolument formidable de recréation d'un monde si on est capable de voir la réalité en face. Et il y a des gens qui ont compris ça. Attention de ne pas être en retard. Il y a un pays qui a compris ça. On se moque des fois. C'est la Chine. Quand la Chine parle de monter un développement durable, c'est pas du pipeau. Parce que la Chine a tout à fait compris, ses dirigeants en tout cas, que préparer ce nouveau monde basé sur un développement durable, alors du côté chinois c'est très technologique, hein, malheureusement. Ça se limite trop à la technologie, malheureusement. Mais en tout cas... Ça reste le plus gros émetteur de CO2 au monde pour le moment. Hein. Pour le moment. Mais ça va changer. C'est en train déjà de commencer à changer. Ça va changer très très vite. Ils ont compris que ce nouveau monde, construit sur un mode durable, eh bien c'est juste un enjeu stratégique de puissance. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est pas une catastrophe, c'est une opportunité pour repartir sur des bases nouvelles. J'envoie cela. Oui, alors moi je m'inscris tout à fait. Voilà, donc je partage tout à fait ces propos. C'est une opportunité et si vous voulez, en même temps, nous sommes maintenant au moment de la mise en œuvre. Et la difficulté qui apparaît, c'est comment coordonner les actions locales, les actions des entreprises, les actions des collectivités territoriales, les actions des États, le système international, la volonté politique. Mais bien évidemment, ce ne sont pas uniquement les gouvernements qui ont les clés, c'est l'ensemble de ces acteurs. Alors il faut se dire aussi qu'on est dans une époque où il y a une révolution du digital, il y a des possibilités de travailler ensemble sous forme de réseau, grâce à des plateformes en ligne, et vous avez de plus en plus d'applications qui vous permettent de changer votre comportement. Vous avez aujourd'hui une application qui est utilisée par 30% des consommateurs français pour évaluer la qualité de leur alimentation. Mais, donc, mais si on ne compte que sur la volonté individuelle, sans mais la volonté locomotive de l'action publique, c'est quand même très compliqué. On ne va pas, on voit bien la deux. Rapidité de la modification qui est en cours. Bien c'est sûr. Compliqué de faire tout reposer sur l'action individuelle, me semble-t-il. Je suis entièrement d'accord, bien évidemment. Mais si vous voulez, les deux sont indissociables. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui agisse sans avoir un soutien de l'opinion publique qui soit très fort. C'est une des difficultés. Et puis, si vous avez des consommateurs qui changent leur choix individuel, les entreprises sont obligées de réagir extrêmement rapidement. Les grandes entreprises de l'agroalimentaire en France savent très bien que leurs marques, qui sont porteuses de changements, porteuses de valeurs sur l'environnement, sur la santé, ont des chiffres d'affaires qui progressent beaucoup plus vite que les autres. Et de la même manière, je crois que ce qui vient d'être dit pour les États, c'est à peu près la même chose. Ceux qui auront obtenu cette transition rapide auront des cartes bien meilleures à l'avenir que les États qui n'ont pas réussi à changer rapidement. Agathe Ozen ? Oui, je crois qu'on est dans une dynamique où il faut effectivement changer de paradigme. Donc ça suscite beaucoup de peur parce qu'on ne sait pas vers où on va. En revanche, on y va. Et il faut y aller en conservant un minimum de bien-être et pas être sous la contrainte, mais au contraire se dire bah c'est peut-être l'épanouissement et la richesse et la croissance, c'est peut-être pas tout à fait celle à laquelle je pensais auparavant, c'est pas forcément économique, mais ça peut être aussi d'autres registres qui apparaissent. Donc par rapport à ça, moi je suis entièrement d'accord quant au fait que les actions individuelles, c'est elles qui vont mettre la pression sur le global, sur les modes de consommation auprès de tous ceux qui sont en charge de l'alimentation, mais de la même manière les actionnaires, eux ont un énorme pouvoir. Et il y a d'ailleurs des entreprises qui sont en train de bouger par rapport à ça. Je ne vois pas en quoi les actionnaires auraient intérêt à modifier un système dans lequel pour le moment ils prospèrent et ils bénéficient plutôt assez largement du mode de vie ou du mode de consommation actuel. Ils peuvent avoir d'autres valeurs et c'est à ça qu'il faut aller. Et puis il y aura une autre demande. Marc Fontcave. Oui, je partage ce qui a été dit. Même les actionnaires, si d'autres demandes individuelles apparaissent sur le marché, vont aussi s'adapter. Donc évidemment, il faut que cette pression existe. Mais vous avez l'air de vouloir à tout prix que nous indiquions comme seul acteur majeur. Moi, je ne veux rien du tout. Hein. Moi, je vous pose des questions. L'État, le gouvernement, les ministres. Je pose la question en réponse à ce que dit Luca Badi. C'est-à-dire, puisque c'est une opportunité pour certains gouvernants, pourquoi elle ne laisse pas pour l'ensemble des gouvernants de la planète ? Enfin, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit Macron ou Hulot qui ait la solution. Et donc c'est pour ça que je me suis exprimé sur le fait que cette pétition s'adresse uniquement à l'État français comme si c'était une question juste de gouvernement. Donc je maintiens cette position, mais je suis en effet d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que le mouvement se fera à travers une convergence, évidemment, des individus, qui vont demander toujours plus d'écologie, de moins de CO2, de meilleur climat, enfin, etc. Des entreprises elles-mêmes, et là aussi, parfois, on lit des choses absurdes qui ciblent les entreprises, alors que deux choses. La première, il se passe énormément de travaux au sein même de ces fameuses entreprises qu'on vise, Total, EDF, etc., qui ont des programmes sur la transformation du CO2, sur la capture du CO2, sur l'hydrogène comme nouveau carburant, sur les piles à combustible, etc. Et de toute façon, il faut bien savoir que si demain, alors je me replace sur le plan scientifique et technologique, mais si demain il y a des technologies qui naissent dans les laboratoires de recherche, eh bien évidemment, tout le monde ici en profitera si des entreprises s'en emparent et les développent et les mettent sur le marché. Donc voilà, il faut que tout le monde travaille ensemble. Donc c'est une pression mutuelle qui va peut-être conduire un jour un gouvernement à être encore plus strict sur ses engagements climatiques, mais néanmoins, en effet, c'est un ensemble, c'est tous ensemble et dans ce même mouvement qu'on va y arriver. Jean-Roy Soussana et Luc Abadi pour finir. Oui, voilà, donc il faut bien sûr revenir sur une notion très importante qui est celle de l'équité. En effet, cette transition massive, elle comporte des risques de renforcer des inégalités et finalement de s'accompagner de perdants et de gagnants. Alors ça, c'est quelque chose qui est bloquant bien souvent dans les transformations. Et on peut prendre un exemple très simple, c'est celui des régions où on a production de charbon. On a eu justement un mouvement de désinvestissement dans les entreprises qui produisent du charbon, avec une baisse du chiffre d'affaires massif, des fermetures d'usines. Et évidemment, pour les gens qui habitent ces régions, se pose la question d'une reconversion massive. Donc si on n'a pas une réflexion par avance sur l'accompagnement des transitions et sur l'équité, on sera dans un système qui se bloquera tout seul. Luc Abadi, pour finir. Oui, mais moi je ne peux qu'appuyer ce qui vient d'être dit. La solidarité, c'est une condition pour l'action. Tout simplement parce que si on en arrive à cette situation difficile, c'est une succession de choix collectifs. Donc la réponse ne peut être que collective et en aucun cas la solution ne peut peser sur les épaules soit des agriculteurs. L'agriculture, c'est terrible aujourd'hui. L'agriculture est accusée de tous les maux. C'est réel. Il y a vraiment des gros problèmes avec l'agriculture. En même temps, les agriculteurs ont été extrêmement efficaces, ils ont rempli le contrat, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Donc il faut que l'effort soit assumé de façon collective. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ceux qui iront les premiers, et on a des exemples dans l'histoire de l'environnement, auront un avantage compétitif, seront plus efficaces. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire nous donne finalement de nouvelles opportunités de développement. Merci beaucoup à tous les quatre, merci Agathe Ozel, merci Mac Funka, merci Jean-François Soussana, merci Luc Abadi, et merci à vous. Voilà, c'était le premier forum de l'année vu par les savoirs, Forum France Culture enregistré dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le prochain forum aura lieu exceptionnellement un mardi le 19 février autour des questions de renouvellement de la démocratie. Et pour ce qui nous concerne, nous parlerons évidemment de démocratie numérique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Emina Guetzin-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez et Olivier Bétard à la réalisation. On jette un coup d'œil à ce qui vous attend la semaine prochaine au menu de la méthode scientifique. Lundi, nous parlerons de l'homme de Flores. Mardi, de la ceinture de Kuiper tout au fond de notre système solaire. Mercredi, nous parlerons de la loi de Moore et de l'ordinateur quantique. Jeudi, il sera question de la modélisation des foules. Et vendredi, nous célébrerons un anniversaire, les 30 ans de la librairie nantaise La Talente, qui est devenue une maison d'édition prestigieuse de science-fiction. Nous en parlerons notamment avec l'autrice Catherine Dufour. Demain, c'est le camarade Étienne Klein à 16h pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.